Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, Jackie Chan face à Jet Li. Fan de kung-fu et de cinéma hongkongais, Jason, 17 ans, rêve souvent du roi singe. Il découvre un jour dans une boutique de Chinatown, tenue par le vieux Hop, une longue canne, un beau, ornée d'un singe en bronze qui ressemble à celui du mystérieux personnage de ses rêves. Il est un pays où la terre et le ciel se rejoignent, où tout un empire est divisé par la guerre. Deux guerriers légendaires, une orpheline et un voyageur égaré vont s'unir pour sauver le royaume. La prophétie raconte qu'un inconnu viendra mettre fin au règne du seigneur de la guerre. Il est nul en kung-fu. Je tombe ! Au secours ! Zéro ! Le seigneur de la guerre a envoyé un chasseur de primes. Un duel de guerriers jusqu'à l'agonie. Sois prêt. On pourra s'entretuer quand tout sera terminé. Le royaume interdit. Le royaume interdit, 100% action pour ce film de Rob Minkoff avec Jet Li et Jackie Chan. Un DVD TF1 Vidéo.